tu es fermé à pas sans pitié. Alors qu'ils étaient vouloir les libérer. Ils ont ri du débile en poussière. Et puis du paradis, l'enfer. Leurs terroristes semés par les bombardiers. Des bombardiers, des prisonniers calcinés. Ils ont programmé leur extermination. Et derrière ce drame pris, les droits de Sion. Les ailes de la paix ont saigné notre terre. Les ailes de la paix ont saigné notre terre. L'équipe de ceux qui disent des combats de mal. De 200 000 morts pour les libérateurs. Où est le crime? Où est l'honneur? Jamais nous n'oublierons ces femmes et ces enfants qui périrent tous les bombardements. Et tout faut brûler dans les abris. Parce que dans le ciel, ils croyaient.